Le Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang a abrité le 30 avril un rassemblement consacré au 40e anniversaire de la publication par le dirigeant Kim Jong-il de l'œuvre classique pour l'amélioration de la gestion des hôpitaux. Y étaient présents Choi Tae-bo, secrétaire du comité central du Parti du Travail de Corée, les fonctionnaires intéressés et les hommes de la santé publique, de la médecine et de l'enseignement. Le rapporteur a dit que le camarade Kim Jong-il a publié l'œuvre le 1er mai de l'an 65 du Juche 1976 pour définir et systématiser intégralement les principes et méthodes de la gestion des hôpitaux et des questions posées pour leur matérialisation sur la base des principes philosophiques axés sur l'homme pour la première fois dans l'histoire. Pour finir, il a insisté sur la nécessité de faire valoir pleinement les avantages du régime sanitaire socialiste dans notre pays sous la direction de Kim Jong-un et de contribuer efficacement à accélérer l'édification d'un État socialiste hautement civilisé.